Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. Indulgence plénière accordée aux membres de la Compagnie de Jésus, et à toutes les personnes qui feront, pendant 8 jours, les exercices spirituels dans les maisons ou collèges de la même compagnie. Cette indulgence a été accordée à perpétuité par Alexandre VII, dans son bref qui commence par ces paroles, comme sicut, du 12 octobre 1657. Benoît XIV l'a étendu aux personnes qui ne feraient que 5 jours d'exercice, et a permis de l'appliquer aux âmes du purgatoire, par le bref Commendum Presbyteri, du 15 juillet 1749. Par ceux du 29 mars 1753, Quantum Secessus, et du 16 mai de la même année, Dedimus Senet, il a renouvelé la même indulgence pour toutes les personnes qui feront, comme il a été dit, les mêmes exercices au moins pendant 5 jours, sous la direction des pères de la même compagnie, dans quelque église, chapelle, séminaire, communauté religieuse, maison d'éducation que ce soit, de même pour l'exercice de la préparation à la bonne mort, et il a voulu qu'elle pût être gagnée par celles-mêmes qui emploieront un jour à l'exercice appelé préparation à la bonne mort, pourvu que, s'étant confessées et ayant communié, elles visitent l'église ou la chapelle destinée à ces exercices. La même indulgence a été confirmée et renouvelée par notre très saint père le pape Grégoire XVI, dans l'audience du 22 décembre 1832. Elle est la 10e du recueil signé par le cardinal Frosini, préfet de la Sacrée Congrégation des Indulgences. Note. À l'époque de Saint Ignace, les exercices spirituels se vivaient dans le quotidien, le retraité en prenant des moyens pour se réserver du temps dans sa journée. À l'image des monastères qui accueillent des retraitants depuis leurs origines, c'est désormais dans des centres spirituels que se donnent les exercices spirituels. Cependant, depuis le renouveau des exercices spirituels inauguré entre autres par Maurice Giuliani, S.J. une nouvelle dynamique est apparue dans la lignée de la 19e annotation du livret de exercices spirituels, celle des exercices spirituels dans la vie. La 19e annotation s'adresse à celles et ceux qui ayant des occupations ne peuvent dégager le temps nécessaire pour vivre une retraite dans un centre spirituel. Prière recommandée. Prière à Jésus-Christ, Anima Christi. Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi. Eau qui avait coulé du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Jésus, plein de bonté, exaucez-moi. Dans vos plaies sacrées, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous, contre la malice de l'ennemi défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi, et faites que je vienne à vous, afin qu'avec vos saints, je vous loue dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Note. Saint Ignace recommande souvent, dans le cours des exercices, de réciter cette prière avec l'oraison dominicale et la salutation angélique, dans l'ordre suivant, « Je vous salue, Marie, à la très sainte Vierge, afin qu'elle daigne intercéder pour nous auprès de son divin Fils, âme de Jésus-Christ, à notre Seigneur, pour le prier d'être notre avocat auprès de son Père, céleste, l'oraison dominicale, à Dieu le Père. Pour obtenir de celui qui est la source de tout bien, des grâces que nous ne lui demandons que par les mérites infinis de Jésus-Christ et l'intercession toute puissante de Marie. Markendanarchive.org, 2020. D'après Archivorg Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.